bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, effectivement, critique les foules. Mais je suis surtout parmi toi, Crowd. Je t'aime, j'aime te regarder, t'amuser, trasher, renverser beaucoup trop ta bière. C'est pas mal le cas. Je le dis, c'est, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions à compter cette semaine parce que ce sera une très longue critique de Québec Redneck Bluegrass Project. Je l'avais toujours pas vu en spectacle. Alors, eh oui, une première. Il y avait aussi en première partie, ça c'est moins une première, c'était Royal Caniche et il y avait aussi The Blaze Valletto Collection. Bien non, à jaser cette semaine. Et on dirait que cette semaine, je réalise surtout à quel point je vais voir beaucoup de spectacles. Et que, je n'ai jamais le temps de tous vous en parler. Ce sera à suivre pour cet été, mais je pense encore au show de Ministry, à Feu Chatterton. Patrick, qui doit se demander quand est-ce que je vais faire la critique du show du guitariste de Frank Zappa à Québec. Il y a beaucoup trop de spectacles à Montréal et dans tout le Québec. Mais cette semaine, j'avais envie de m'attarder, oui, à Québec Redneck Bluegrass Project parce que, ça, oui, c'est sûr que ça suscite bien des réflexions, mais surtout, c'est une foule complètement endiablée. Alors, pour Critique de Crowd, ça fait ben du beau contenu. Sur ce, ben, et quand je dis qu'il y a de la crowd puis il y en a partout, ça inclut dans la vie. Ben ouais. Et j'étais chez nous, dans Schlaga Maisonneuve. Qu'est-ce qu'il y avait pas dans la rue? Ben, pas exactement dans la rue. C'était plutôt sur le trottoir, mais ce n'était pas une vente de trottoir, mais plutôt une vente de garage. Elle était très jolie. Je sais pas pourquoi mon instinct m'a comme obligé à m'arrêter. Et je comprends pourquoi, parce qu'il y avait plein d'albums, entre autres celui des 15 ans de CISM. Alors, tu es démasqué. Toi, habitant proche de la place Valois, tu écoutes ou écoutais CISM. Et il y avait des petits trésors comme ça. Et que vois-je? N'est que des Happy Live Alix. Quelqu'un voulait s'en départir et je suis maintenant la fière propriétaire de cet album Live Alix. Show que je n'aurais jamais vu parce que je n'étais toujours pas à Montréal et depuis que j'y suis, ben tu sais, Lix a eu le temps de fermer 10 000 fois, là. Reste que je serais curieuse de savoir s'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui seraient allés justement à ce spectacle-là de Naked and Happy live à Lix. Si c'est le cas, là, écris à Critique de Crowd Facebook. C'est bien fait pour ça. Et pour tous les autres, surtout moi, bon, on va aller en écouter. Et pour les oreilles les plus fines, non, je ne vais pas vous passer exactement celui de l'album live à Lix parce que c'est la dernière chanson de la album, puis après ça, elle dure comme 17 minutes de blabla, ce qui aurait été compliqué pour la mise en onde. Alors, on s'en va écouter la très officielle « Je suis plus capable ». Oh, Ellie! Give it up, I'm wet! Just to see! faut se réveiller pour combattre cet enfant qui va passer ta mort. Il faut pas cesser à voir, il faut reprendre le pouvoir. Il faut pas te réveiller de meilleur pour toi, mais je suis capable, ils ont tué. Capable sur les ondes de CISM et oui, chanson de Feu Naked and Happy, live à l'ISX ou presque, comme je vous ai dit tantôt, pour que ça sonne le mieux pour vos oreilles, chers auditeurs de la marge. Et je me répète, mais quand même, je suis à la quête, d'anciens spectateurs de l'ISX. Raconte-moi l'ambiance. Moi, je ne pouvais y être, alors tu seras mes yeux, mes oreilles et surtout mes mots, mec, tu m'écrives sur Facebook ou tout autre moyen de communication fort agréable. Et t'écoutes toujours Critique de Crowd. En ce spécial, parce que là, ouais, c'est spécial, on va en parler en long et en large. Québec Redneck Bluegrass Project. Ben oui, c'était leur tournée de résurrection. Résurrection qui peut être longue ou courte, là. Je me dis 18 mois de pause. Est-ce que c'est une résurrection? Enfin, ce sera le cas pour eux, puisqu'ils n'avaient pas fait de spectacle. En tout, ils en avaient fait 10 pour le lancement de Royal Regin. Et depuis ce temps-là, silence radio. Faut quand même observer dans leur calendrier qu'ils ne font pas. Ils font pas de spectacle en novembre, février, mars, avril, mai. Je trouve ça drôle parce que c'est comme s'ils hibernent, mais ils prennent une pause aussi de leur hibernage et ils dorment plus longtemps que la moyenne des ours. Parce que avril, mai, ça commence à être tard. Mais bon, je me dis, ils le font rien comme les autres Québec Redneck. Alors je me dis que ça doit être tout à fait logique. Et je trouve ça intéressant cet aspect de peut-être faire attendre leur public ou du moins de pas être constamment en tournée, mais quand ils le sont intensément. Tout comme leur foule, tout comme leur prestation, c'est à suivre. C'est à suivre. Et je me permets déjà une parenthèse, mais même si j'avais jamais vu Québec Redneck en spectacle, oui, j'avais des appréhensions, j'allais dire un préjugé positif envers eux, ou du moins à l'ambiance qu'il y avait en spectacle. Ça les précède beaucoup, comme quoi ça va être un gros, gros, gros party, c'est la folie furieuse. Je crois aussi que ça fait partie même de la crowd et de l'ambiance et de l'expérience du spectacle, qu'on le sait déjà avant même que ça se produit, que ça va être assez spectaculaire comme ambiance, assez énervé, assez permissif même. C'est à suivre. Faut dire, nous étions un 22 juin. C'était l'avant-veille, ça dépend comment tu comptes. C'était l'avant-veille de la Saint-Jean-Baptiste. Je crois aussi que ça peut mettre un peu plus de pep dans la foule, déjà qu'on est en veille de d'autres fêtes. Enfin, c'est ma réflexion avant de me rendre au Club Soda, où va jouer en première partie Royal Caniche. Pour ceux qui écoutent souvent l'émission, ben non, c'est pas ma première critique d'eux autres, je les ai vus au Divan Orange. Et là, je me dis, mémoire, Jolaine, je crois que je les ai vus deux autres fois, une autre fois, peut-être ma troisième fois, mais à force de voir beaucoup de spectacles, j'ai un petit blanc. Je te le mentionne parce que j'aurais un grand sentiment de déjà-vu durant leur prestation et oui, ce sera un peu triste. Mais pour tous ceux qui ne les connaissent pas, Royal Caniche font dans le grunge toner avec des instruments faits à la main. Il y a même eu une reprise francisée de Nirvana. Alors quand je dis grunge, ça l'est parfois complètement. Sinon, dans la foule, c'est quand même une première partie. Alors en quelque sorte, c'est normal que ça soit pas tout à fait plein, juste que les gens commencent à rentrer dans la salle. Tranquillement, pas vite. Mais sinon, on sent ça, nous autres, ils sont bien à l'attaque avec leur look un peu déglingandé, comme d'habitude. Chemise, cravate, masque à gaz. Et je trouve ça très drôle. À quel point tu peux bien gueuler dans un masque à gaz? Là, le drummer, il gueulait dans son micro, mais je crois qu'on l'entendait pas vraiment dans le fond. Et en plus, le micro du chanteur qui distorsionne vraiment sa voix en spectacle. Alors, des fois, ça peut être un peu inaudible ou difficile de l'entendre quand ça s'ajoute à notre propre acouphène. Mais autrement... Oui, il y a déjà une esthétique placée quand tu vois à Royal Caniche, peu importe ce qu'ils vont dire, parce que oui, ils nous disent bien des choses à nous crowd, comme entre autres, ben ils nous ont salué comme ça va les chacals, ça c'est plutôt sympathique. Tu vois, non, ce n'est pas mon imitation de chacal, c'est plutôt ouais, mon hésitation, parce que ils ont fait une chanson et là ils ont dit j'espère que vous aurez reconnu Mario Pelcha et la chanson je chantais non, il pleure. La pluie chante pas sa pluie, Mario. Il pleure et tu n'y verras que du feu. Mais il la font souvent, cette blague-là. Je dis souvent, j'irais plutôt à dire tout le temps. Mais oui, ça m'a fait de la peine. Mais non, Royal Caniche, tu me fais encore la même. Oui, blague, puis tu sais, ça revient un peu aussi au sens d'esthétique, mais utiliser toujours les mêmes phrases, ça détruit la surprise. Je veux dire, je m'attends à leur répartie drôle et finalement, je réalise qu'ils sont sans être placés, ben c'est souvent les mêmes phrases. Et je sais pas à quel point cette fois-ci elle a fait plus ou moins rire que d'autres occasions, mais en tant que spectatrice, on dirait que je trouve ça moins gagnant de les voir de plus en plus souvent. Puis ça, c'est quand même décevant. Je veux dire, moi, en tant que spectatrice, il me semble que mon intention, c'est de vouloir te revoir plus souvent en spectacle. Et non l'inverse, en me disant comme, ils vont faire les mêmes blagues, puis je m'y attends un peu. Mais ça, c'est toujours à voir. Ça me fait penser à ces OGBM, l'acronyme au nom complet de ce groupe de Toronto, mais je sais pas toujours, là. Groupe de Toronto qui, font vraiment dans la mise en scène, tu sais, stage dive, placé avec la foule, les interactions aussi. La première fois, j'étais tellement époustouflée parce que c'était dynamique, c'était beau, c'était drôle. Puis la deuxième fois, j'étais vraiment triste parce que je me suis dit, mais c'est tout un copier-coller. Mais en même temps, si on veut une expérience en soi, ça peut être intéressant. Fait que je crois que ça peut être à discuter. Mais moi, personnellement, ça m'a fait de la peine dans mon cœur de spectatrice. Autrement, dans la foule, non, ce n'est pas triste. C'est même plutôt coquin. Ouais, vu que c'était tranquille dans la foule, je sais pas, mais il y avait un couple qui prenait plaisir à... se bécoter, mais aussi à se mordier, littéralement. Elle était en train de gruger son épaule. Et non, ce n'était pas du cannibalisme, parce qu'il était là encore tout au complet, son épaule. Mais reste que... Ouais! Moi, en tout cas, ça a divergé comme mon attention a comme whoop, a été concentrée sur... ce beau témoignage d'amour, quelque peu j'allais dire brutal, mais jamais autant qu'un gros mosh pit. Alors, ce sera, coquin malin, mordillage sur du Royal Caniche. Quoique, peut-être c'est ça. Peut-être que, tu sais, c'est son sang de caniche qui faisait qu'elle voulait faire ses dents. Je pourrais pas te dire exactement. Mais autrement, sinon... La foule va finir par trasher, mais juste à la toute fin du spectacle. Puis on sent que c'est un trash un peu mou, mais vraiment amusé. Puis peut-être dans l'optique de se réchauffer. Ouais, quand même. Juste avant, il va avoir eu un commentaire du groupe comme quoi Redneck, il allait pas être en spectacle, il annulait. Alors on entend les choux. Et par contre, ça comme interaction, ben évidemment, tu sais, celle-là, elle est vraiment de circonstance et elle est plutôt inédite. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que pour un spectacle qui annonçait sold out, vraiment l'avance, tu le sais que les gens sont là, ils sont... Oui, il y a vraiment une grosse attraction, je trouve, dans la foule. Les gens, ils se réchauffent, ils boivent, ils veulent être prêts, ils veulent être déjà chauds pour Québec Redneck. Alors, je trouvais ça vraiment de circonstance. Peut-être l'orgueil de musicien peut-être moins mis en valeur pour justement mieux présenter le groupe, le présenter de façon drôle. C'était efficace, c'est venu chercher les gens, même si on sait que c'est pas vrai, ça a quand même amené... des petits mécontentements. Et voilà. Fait que ce sera la fin de cette critique de Royal Caniche que j'espère. Ben oui, j'espère toujours avoir plus de nouvelles. Ils en font, mais plus de nouveaux commentaires que de répétitions. Sur ça, je les aime bien en musique, d'où la raison qu'on s'en va écouter Wego de leur album Wego. Yeah. ne sais pas vous, cher auditeur de la marge, si cette chanson de Blaze Veluto Collection vous a rempli de gaieté, mais ça aurait été le cas durant le spectacle au Club Soda le 22 juin dernier de Québec Redneck Bluegrass Project. Et oui, The Blaze Veluto Collection était le deuxième groupe à passer en spectacle ce soir-là. Ils font, ben oui, vous avez entendu, mais aussi ils font dans le folk, le psych, 60s, country. Je le mentionne parce que dans leur prestation, c'était assez varié musicalement. Tu vois, à chaque fois que j'ai une mauvaise émotion, faut toujours que je commence par un onomatopée, mais... Ouais, ça aurait eu une incidence sur la foule, ça c'est assez clair. Et sinon, ben le groupe scéniquement, ben ils sont vraiment bien placés en avant. Il y a peut-être juste à l'écart le claviériste et le drummer qui est placé sur un podium, mais autrement... Je trouve que la dynamique aurait été difficile. Je sais pas à quel point ça a un impact sur la foule, mais ouais, il était sympathique, mais pas nécessairement hyper jasant, ou peut-être un peu froid par rapport à une foule qui se réchauffe. Parlons justement de cette jolie foule. Quand je te dis qu'elle se réchauffe, là, est assez drôle quand même. Non, mais il y a un gars, il a décidé de tout filmer. Lui, il fait du vidéo-reportage en pleine crowd, en pleine marée de crowd. Et il lui-même part un peu le pit qui est relativement espacé. Pas une forme très distincte non plus encore comme pit, mais il est énervé, il a envie de faire participer tous ses amis. Avec le premier, ça marche, le deuxième, l'autre, il est comme calme-toi, prends ton temps. Et finalement, il va encore trouver une autre personne pour commencer un rigodon ou tout simplement tournoyer bras dessus, un peu sur place, tout en filmant encore. J'aimerais bien avoir ton tape, garçon, parce que je suis toujours intriguée du résultat de ce genre de vidéo qui est pris un peu dans le flou et surtout dans l'action. Ensuite, ben ouais, ça va s'être calmé. Plus les gens arrivent dans la salle, plus ça réduit l'espace de pit, ce qui fait en sorte que, ben, je crois que ça aura calmé quelques spectateurs. Mais ouais, ça se calme. Puis, Je sais pas, on dirait que moi j'ai bien aimé surtout la fin du spectacle. T'sais, au début, tu vois, il y a quand même de l'action, ça s'énerve un peu, le groupe, ils ont des chansons entraînantes, puis parfois il y a des chansons qui tuent l'ambiance. Et ça aurait été le cas, je ne sais plus c'est laquelle, je ne veux pas retenir un triste moment dans la foule, parce que ouais, elle était longue. Elle était plutôt paisible comme chanson. Elle n'était peut-être pas de circonstance pour la première partie de Québec Redneck. Fait que ça faisait en sorte que ça bougeait plus vraiment. Ça faisait en sorte que ça parlait fort. Fait qu'on entendait les gens parler vraiment beaucoup par-dessus la chanson. Et je sais pas, tu sais, on est en direct, tu sais. Je sais pas à quel point vous l'entendez, musicien, mais... mais en tout cas, en tant que spectatrice, je peux vous dire qu'on l'entend quand même assez bien. Merci. Je sais pas à quel point t'as hâte, tu sais, que ta propre tune termine, fasse comme moi, tu sais, elle fit pas, ou les gens nous écoutent plus. Je trouvais ça triste. Tu sais, comme ça marchait pas, mais elle était longue. T'es comme, oh mon Dieu. Plus je la trouvais longue, plus elle s'éternisait, tu sais, dans ma tête. Et même, c'est drôle, c'est mon ami qui m'aura fait le commentaire parce que la chanteuse aura mentionné qu'il ne restait que deux chansons. Souvent, les groupes font ça, ils parlent de leur setlist, même si en tant que spectateur, je pense qu'on s'en fout un petit peu, peut-être, potentiellement. Mais oui, elle dit qu'il reste deux tunes. Puis mon ami, il m'a dit, c'est-tu parce que ils veulent mentionner ça parce que la foule semble vraiment s'ennuyer? Et j'ai trouvé que c'était d'une ironie, d'une encore plus tristesse, parce que dans le fond, le commentaire était simplement fait que la phrase était absurde dans les circonstances. Ouais, parce qu'autrement, il y a plein de bandes qui font mention de leur setlist, puis on se dit quelle information banale, mais cette fois-ci, c'était peut-être pas le meilleur timing au monde. Mais bien heureusement, ça a été rattrapé, entre autres avec la chanson qu'on vient d'entendre, Monsieur Coyote. Ah là, le trash est revenu, des sauts, oui, puis ça trashait la canette de bière en l'air. Ça trash de façon très rigolote, festive, surtout en avant, là, mais c'était bien placé, je vous dirais. Mais ça, là, vraiment, ça m'a fait du bien aussi pour Critique de Crowd, parce que il y avait tellement eu une descente durant le set de leur spectacle que je me disais, Seigneur, c'est à rattraper tout ça. Et ça, là, il était fait merveilleusement bien. Je trouvais que ça a bien conclu. À la fin, il y avait des applaudissements forts et chaleureux. Et c'est ça qui m'impressionne aussi... des revirements de situation, si je peux dire. Comment la musique, ça peut varier l'ambiance très, très rapidement. Si je me dis que si le spectacle s'était terminé sur la toune, disons, plus paisible, plus lente, ben on n'aurait pas eu la même conclusion avec le public qui était heureux, qui était proche de l'effervescence. T'sais, Québec Redneck, ils sont comme « Ah, on commence à être excités que ça arrive, ce show-là, que ça arrive! » Fait que vraiment, je trouve que ça a été une belle conclusion qui faisait vraiment du bien dans tous les sens, cette histoire. J'étais comme, ah, je suis soulagée. Alors, voilà. Sur ce, ben écoute, dans Blaze Vuletto Collection, il y avait Guillaume Chiasson. Là, je l'ai vu, puis je me suis dit, Colin, ça me donne le goût d'écouter du ponctuation. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on va écouter ponctuation sur les ondes de CISM. La réalité nous suffit de ponctuation sur l'album du même nom. Ben oui, la réalité nous suffit. Vous écoutez Critique de Crowd. Après les publicités, je fais le ménage sur le stage. Je t'explique pourquoi après les publicités. À tout de suite. Le Le Festival international de jazz de Montréal vous invite à célébrer l'été pour sa 39e édition. Du 28 juin au 7 juillet, des spectacles gratuits tous les soirs. Voyez le grand événement TD avec la révélation canadienne du R&B, Jessie Reyes. Venez danser sur les rythmes de l'auteur-compositrice-interprète d'exception, Stéphane Moraille. Pierre Quenders nous offre son son unique pour une soirée inoubliable et la soirée de clôture Rio Tinto avec le groupe The War on Drugs. Info au montrealjazzfest.com, présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Hey, salut, ici Vincent Pique. Calypse Suisse, la scène locale montréalaise depuis 32 ans. Ça fait 26 ans que j'écoute CISM. Je te conseille de faire exactement la même chose. Célébrez l'été à la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal. Sur scène, Moses Sumney et son alliance subtile de folk, de jazz et de blues. La musique électro du jeune DJ français, Môme. Une soirée 100% hip-hop avec le duo torontois Calm Down, Nate Husser, Zach Zoya et Naya Ali. Une soirée tout en douceur avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra. Bien en vente maintenant sur montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Kearney sur les ondes de CISM avec la chanson En attendant sur son album La vie en mauve. Je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je voulais vous la partager, particulièrement parce qu'il sera ce soir en spectacle à Yesco avec Gab Bouchard. Et oui, à Critique de Crowd, toujours des suggestions de spectacle pour que tu voyes plein de crowd. Et sinon, ben, cette semaine, ce sera bien teinté de festival de jazz. Ben, quand que ça se passe là. Alors, jeudi, ça c'est à soir. Il y a aussi des suggestions qui ne font pas partie du Festival de jazz. Et tout comme IAM ce vendredi à l'Olympia. Aussi, dans Schlag, il n'y a pas juste que des ventes de garage. Il y a aussi les shows de Ruelle dans la Ruelle Gaboury. Alors, Émile Bilodeau en spectacle. Et sinon, ben oui, le spectacle du Festival de jazz, c'est Chic Chic Chic à la place des festivals. Je crois que ça va être assez fou, merci. Vendredi, Métronomie au MTLUS. Samedi, Kamasi Washington. Ah! Encore au MTLUS, ma foi, cette salle est bien occupée. Jesse McCormack va jouer dimanche au Festival de jazz. Lundi, encore au Festival de jazz, ben qu'un. Moi, j'y serai à ce spectacle, c'est à suivre. Daniel Caesar, encore au Metropolis. Ensuite, Nomadic Massive à la place des festivals. Ah, sortons du jazz et allons tout en lourdeur avec Ya Bell Witch et Snow of Bella. Bedlam, oui. Alors, le tout va se passer à la salle Arasasa lundi. Encore une fois, sortons du festival de jazz et allons vers des sons encore plus brutaux. Ben oui, bonne soirée de dead metal technique au Piranha Bar avec Rivers of Nihil et tout plein d'autres groupes. Il y en a 4 en tout. Alors, arrivez de bonne heure. Et finalement, il va y avoir mercredi The Body avec Big Brave à la Vitrola. Je suis encore dans l'ambiguïté. Est-ce que c'est qui fait la première partie de qui? Dans tous les cas, je suis heureuse de savoir que Deboli et Big Brave seront à Montréal ce mercredi à la Vitrola. On va continuer tout de suite en musique avec les chansons du palmarès. Alors, tout en folk, allons-y avec Mon doux Seigneur et la chanson Tempérance. Hi. Me prend quand je m'ennuie, je deviens un enfant. Si un jour je t'appelle, n'aie pas peur, j'aurai pas peur. Je me couche, y'a rien qui change, à part la date et les saisons. Coloque avec mes obsessions, mes inquiétudes, mon ignorance. Faudrait que je fasse un peu de ménage et que je prenne des décisions. rester juste assez sage pour comprendre que je suis un moron. Je fais rarement ce qu'il faudrait, guidé par ma paresse immense. Me manque la foi, la discipline, l'urgence de vivre et la confiance de ceux qui bâtissent de grandes choses et qui n'ont pas peur de l'échec. Pendant que je me décompose, l'angoisse au cœur, la clope au bec. De mauvais choix en mauvais choix, de plan bancal en idée cave. Peut-être que j'ai manqué ma voix, peut-être que j'ai manqué mon lift. Vers où je serais au bon endroit, y'a-t-il quelqu'un qui vit la vie que j'étais supposé avoir. Peut-être que j'ai la sienne aussi. Encore obligé d'être moi-même, avec ma bédaine pis ma peau blême. Pourtant hier quand j'étais chaud, j'étais sûr d'être un super-héros. J'aime les papillons, les oiseaux, même si je voulais les imiter. C'est bien juste dans les étalages que je réussis à voler. Je veux jamais voir le cimetière les choses que je pouvais faire, mais que j'ai jamais essayé par insouciance ou par lâcheté. J'aurais peur d'y trouver le bonheur, pétrifié là à tout jamais, qui me dirait falloir que tu meurs sans m'avoir connu pour de vrai. Le cimetière, chanson de Frank Cousteau, et vous avez aussi entendu la toute récente chanson de... Mon Dieu! Non, non, ce n'est pas un tout sautement, ce n'est pas le nom de la chanson. C'est de Mon Doux Seigneur et la chanson Tempérance. Vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Hey, ces chansons-là, par un merveilleux pas du tout hasard, parce qu'elles sont excellentes, se retrouvent dans le palmarès de CISM. Ça, tu le trouves sur le site, CISM893.ca, l'application, le soir à 6 heures quand tu écoutes le palmarès. Alors, tu as mille et une façons de le découvrir. Et si jamais tu voulais écrire Critique de Crowd, Facebook, courriel ou... tu peux envoyer des lettres par la poste, ça fait de moins... ça arrive de moins en moins souvent, mais ça nous fait encore plus plaisir. C'est comme proportionnellement, utiliser du papier, c'est fort agréable. Sur ce, ben oui, t'écoutes Critique de Crowd qui dit toujours bien des folies entre les critiques de Crowd et durant les critiques de Crowd. Et c'est toute une expérience d'aller voir Québec Redneck, Bluegrass Project. C'est toujours... je dis toujours, puis c'est la première fois, tu vois. C'est parce que c'est toute une expérience, parce que tu vois, j'ai l'impression d'avoir vécu mille et une pour la simple et bonne raison qu'elle a duré 3 heures. Oh mon Dieu, je m'attendais tellement pas à ça. Tu sais, je pensais que ça allait finir à minuit, ce spectacle-là, tu sais, avec, pas moi, les heures de ben pas de fermeture, mais plutôt l'heure d'interdiction de bruit, tapage nocturne. Je sais qu'avec les salles de spectacle, je sais pas, il y a peut-être pas une certaine... pas tolérance, là, mais c'est pas la même chose que dans ton quartier résidentiel. Reste que le spectacle finit à 1h30, hein? Quand même! Et il y aura même eu un entracte, c'est pour vous dire, là, voir Québec Redneck, je sais pas d'habitude ça dure combien de temps, mais cette fois-ci, ça leur a été vraiment une aventure, là. Sur ça, ben écoute, avant qu'ils rentrent sur scène, il y aura toujours bien eu un premier entracte entre les premières parties et le groupe. Et on sent déjà, même au premier entracte, on le voyait que dans la foule, tu sais, ça se réchauffait, là, les chansons étaient déjà dans l'air. Ben oui, les gens, ils les chantaient à cappella en attendant le groupe. Et aussi, l'entracte, ben oui, m'aura permis d'un peu voir cette jolie foule, pas encore en action. Et si le groupe eux-mêmes, oui, ont une esthétique punk, pas dans, je trouve pas qu'on le sent dans leur musique, là, mais disons que de visu, quand t'es vois, tu fais, ah, ben oui, tu es un amateur de Crass, comme tout comme d'autres dans la foule. Il y avait aussi, des gens plus hardcore. Il y en avait au moins deux qui trippaient sur Get the Shot. Ça m'a relativement surprise. Sinon, comme je l'ai dit, c'était le 22 juin, le spectacle, fait que des gaminets avec des fleurs d'Élysée, c'était moins surprenant. Encore moins quand il y a un gars qui est allé l'accrocher au balcon. Ça fait des cris de joie. Assez merci. Et aussi, ça aura mis un peu d'action à cet entracte où, oui, l'attente était peut-être plus grande, mais aussi, effectivement, elle était longue. Et la foule, si oui, elle est bien elle est bien habillée de ses gaminets de groupe parfois plus bruyants, bien, il y avait aussi des discussions, je trouvais, qui fitaient tout à fait avec un avant-spectacle de Québec Redneck. Tu sais, ça parle du C-Shack, puis il y avait un gars aussi avec un t-shirt de microbrasserie. Tu sais, ça parle de produits locaux. Je sais pas, mais tout fitait dans l'ambiance. Et sinon, bien, il y en a aussi qui veulent... Je ne peux pas le recommander, c'est bien certain, même si j'en aurais été complice. Je ne peux recommander de boire à même sa consommation pris dans sa poche. Pas du tout encourager la salle de spectacle avec son bar. Fait que ouais, un gars, il traînait sa petite flasque, mais il était généreux, qu'est-ce que tu veux? Puis, faut dire aussi que dans la foule de Québec Redneck, je veux dire, il y a de ça, là. Les gens sont amicales, puis c'est « Hey, veux-tu une gorgée comme ça? Hein? Une petite gorgée, on se connaît pas, on va partager du goulot, un peu notre bave. » Ben ouais, sympathique. Alors, ben oui, je l'ai bien accepté. Sinon, encore une fois, il y a des gens qui se mordaient. Il y a une fille, je l'ai entendue, elle a dit « Yo, tu m'as portu. » J'étais comme « Décidément, cette crowd est vraiment bestiale. » Elle est amicale et bestiale. Et, l'attente était un petit peu longue. Fait que je sais pas si c'est ça faut que j'accuse. Parce que oui, il y avait de l'amour dans l'air, de l'amitié et même de l'amour. Parce que dans la toilette, devant la toilette des filles, dans les escaliers, il y avait un couple qui frenchait. Puis j'étais comme « Ah, décidément, il y a de l'amour dans l'air, mais il y avait un peu de ouais, je sais pas comment l'analyser, mais il y a comme eu une espèce de trash entre deux, trois personnes qui ressemblait quasiment à une bataille. Ça, mais non, il y avait l'air de s'amuser, mais il y avait pas de musique. Yo, l'ami, je veux dire, le spectacle a pas commencé, garde ton énergie. Fait que j'avoue que ça, j'ai trouvé ça un peu déplacé. Ben, je me dis comme, je ne savais pas encore que le spectacle allait être aussi long. Mais étant donné que je sais qu'il va avoir de l'énergie à donner et à suer durant le spectacle, que tu sais, tu peux attendre deux, trois minutes, là, ça se gère. D'où la raison que j'ai eu un peu peur que ce soit une bataille, mais bon. Ça s'est bien terminé, alors pour le mieux, mais ouais, ça donnait déjà une ambiance que c'est survolté, mais est-ce que ça va déraper? On veut que ça dérape bien au final, c'est ça le trash, c'est ça les spectacles, c'est ça la magie du spectacle. Fait que, ouais, petite appréhension, mais elle va s'effacer très, très, très, très vite dès que le groupe rentre sur scène. Déjà, quand les techniciens faisaient les tests, les gens criaient comme des malades. Fait que oui, ça va être une ambiance de feu. Où le chanteur va le répéter plusieurs fois, tu sais. Est-ce que vous êtes ennuyé? On s'est ennuyé en ajoutant une pléthore de sacres. Ah oui. Il le sacre beaucoup sur scène et ça va laisser évidemment les gens indifférents. Ça fait partie de l'esthétique, mais donc pour une première fois, j'étais quand même assez surprise que le tiers de ses phrases était constitué de sacres. C'est sûr qu'en utilisant en tant que verbe, nom, adjectif, c'est facilement, tu sais, on peut faire des bons échanges, mais ils étaient assez nombreux. Et aussi, la façon qu'il s'adresse à son public, il est très reconnaissant dans le sens où, justement, il dit que c'est ennuyé, puis différentes façons de les dire qu'il les aime. Et il utilise peu de mots, comme j'ai mentionné, pas juste parce qu'il sac, là, je l'ai mentionné. Mais oui, c'est quand même court, c'est quand même simple. Et je réécoutais les chansons cette semaine, je me dis à quel point il est assez verbeux dans ses chansons. Je pense à Chie des Arcs-en-Ciel qui dure 15 minutes, puis il n'y en a pas de refrain. T'es comme, ouais, je crois que t'économises sur ta baffe parce que t'en as plein d'autres à mettre tout le long de tes chansons parce qu'il y a de la parole. Assez merci. Puis c'est ça aussi qui est bon parce que la foule, ils connaissent tous les chansons. Fait que ça va chanter du début à la fin. Je crois que c'est les chansons les plus fortes et étant donné qu'il y en a beaucoup, ça chante souvent. Ouais, on va le dire ainsi. Alors, le spectacle va commencer, puis ouais, là, tu sais, le trash va commencer tout de suite et pas juste le trash louche d'à côté, là. Un trash qui va se répandre un peu plus dans les deuxième, troisième chansons, là, pour un truc qui est vraiment généralisé, là. Ça prend la moitié du partage. C'est assez drôle comment c'est franc comme séparation. Tu sais, c'est comme pas un petit peu, là. C'est vraiment genre la moitié, tu sais, puis après ça, ça arrête. Mais on sent quand même l'ambiance festive dans la foule, mais quel gros trash! Ça, c'est assez certain. Et même dès la première chanson, des body surf, et pas juste des body surf et des stage dive, mais qui s'empilent un par-dessus l'autre. Pas façon hardcore où tout le monde se garoche en même temps, mais plutôt que... Je sais pas c'est quoi la don, mais tout le monde finit par sauter un par-dessus l'autre. Peut-être saute un mouton façon body surf. J'allais dire, ce serait à analyser, mais de là où c'est le pur hasard de ton parcours à tu décides de te garocher en même place que quelqu'un d'autre et que c'était plus ou moins stratégique, je crois qu'on est un peu dans ces eaux-là. Ouais. Il se passe bien des choses durant le spectacle et... Durant le pit, au début, je trouvais, puis c'est parce que j'ai pas été là tout le long du spectacle. La deuxième partie, j'ai décidé d'être en haut. Au début, je me disais, ah, mais Sam, c'est le genre de trash, tu sais, comme sympathique, où tu peux voguer comme ça à travers les gens, puis être quand même un peu à l'attaque ou à la défense, là, ça dépend dans quel angle tu le prends, là, mais tu sais, avoir le coude préparé parce que c'est assez imprévisible comme foule. Ça, c'est comme des rats de marée, puis ça revient, puis un beau qui mais j'ai l'impression de commentaires de spectateurs à la fin que, ouais, quand même, je crois que le désordre était encore plus grand proportionnellement à la consommation d'alcool. Ouais, fait que là, le chaos devenait encore plus chaotique. Tandis que oui, au début, je trouvais que il était pas logique comme trash, tu sais, mais qu'en même temps, on pouvait bien s'y plaire sans avoir une technique particulière, même vraiment pas. Ce qui me fait penser, il y avait un gars... Je crois que sa démarche est cute, mais pas efficace. Il y avait un gars qui voulait visiblement montrer à sa copine ou à son amie de l'expérience de trasher. Mais la fille avait l'air vraiment d'avoir peur parce qu'il avait décidé. Il était pas... c'était pas un colosse de 7 pieds, là, mais t'sais, il essayait de l'encercler avec ses bras puis de s'aventurer dans le pit. Et je trouvais leur technique pas si efficace parce que finalement, c'est pas... Tu te sens pas 100% en sécurité, là, je veux dire, c'est pas une cloche de verre. Fait qu'il avançait, puis ça avait l'air plus périlleux que d'autres choses que de l'avoir pris avec sa main ou meilleure technique. Et garçon, j'espère que tu écoutes ces ISM en ce moment. Je te donne le meilleur truc. J'aurais dû te le dire live en spectacle, mais bon, je vous laisse avec vos affaires. C'était quand même cute de vous voir aller. Mais ouais, je veux dire, bras dessus, force les deux ensemble. Là. C'est bien plus efficace parce que t'as la force de deux personnes. Fait que juste le fait d'être proche nous rend quasiment indivisible. C'est drôle, hein? Tandis que entouré ou comme juste collé de dos, là, non, pas efficace, ça marchait pas leur affaire. Mais belle expérience, félicitations. Sinon, mon Dieu, ça c'est un moment moins cute et un peu étrange quand même. Ben étrange, c'est plus le choix de la fille. Ça bardasse quand même à Québec Redneck. Ouais. Tu sais, il y en a qui donnent des coups un peu plus forts que d'autres. Et des fois, comme je vous dis, c'est imprévisible. Alors oui, les accidents peuvent être plus vite arrivés. Je sais pas comment elle s'est blessée, mais il y avait une fille qui saignait de la face. Fuck, c'est sûr que tu le spots, tu sais. Elle saignait pas comme abondamment, là. C'était pas comme un film d'horreur, là. Mais disons, elle saignait sur le côté du sourcil. Au moins, c'est ça, pas quelque chose qu'on pouvait penser que ça pouvait atteindre sa vie, là, ou à son intégrité. Ben oui, elle avait déjà son intégrité physique d'atteinte, là. Mais bref, ça compris qu'il n'y avait pas une histoire de vie ou de mort ou de choses très, très, très, très graves, mais quand même qu'elle saigne. Fait que là, il y a des gens qui l'aident, tu sais, pour qu'elle se tasse. Puis finalement, elle retourne en avant. Tu sais, au moment où on s'est dit, ah, OK, ben, tu sais, elle a l'air d'être tannée, tu sais, hein, elle saigne. Ben, au lieu de quitter la salle, boum, l'inverse, elle retourne complètement en avant. Ah, mais je crois que l'adrénaline a quand même la force de plus nous faire sentir la douleur. Fait que je comprends ton choix. Fille. Mais en même temps, on a tous été un peu apeurés, comme vas-tu bien, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Veux-tu de la glace? T'sais, c'est comme, on se sent toujours un peu limité à l'aide qu'on peut offrir quand on est soi-même avec rien. T'sais. On n'a pas de soins médicaux. On n'a même pas un plaster. Et là là. Ah oui, il y a des accrochages comme ça en spectacle. C'est l'eau du trash. Hein. Sur ça, on va aller écouter Pogo Crash Control parce que, oui, c'est la chanson conseil. C'est un conseil que je me donnais à moi-même parce que j'ai invité mes amis, oui, mes chers amis belges et je leur ai promis que le spectacle de Québec Redneck Bluegrass Project, ça allait être très keb. J'ai dit, vous allez vivre une expérience. Mais là, oui, là où j'ai oublié de leur dire, tu sais, je lui ai dit, ah oui, ça va brasser. Dès ça, brasser. Pour moi, ça a beaucoup de connotations, puis je pense que dans le reste de la francophonie, ce n'est pas le cas. Et surtout, je n'avais comme pas dit le mot trashé ou même pogoté, tu sais, ou slamé, là, peu importe de où tu viens. Fait qu'ils ont été assez bêtement surpris là, par le pit, mais un peu beaucoup. Fait que mon conseil, c'est sois clair, Jolene, quand tu dis qu'il y a un mosh pit potentiellement quelque part, ça va brasser, porte beaucoup trop à interprétation. Conseil à moi, conseil à vous tous, chers auditeurs de la marge. Le groupe français Pogo Crash Core Control. Mais non, c'est Pogo Core Crash Control. Beaucoup de C à dire en même temps sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson. Commence aussi par C. Conseil! Et voilà, critique de crowd en ce spécial Québec Redneck Bluegrass Project. Et aïe, aïe, aïe, aïe! Tu vois, je le raconte puis j'ai chaud comme j'étais sur place. Puis... ouais, c'est beaucoup de, ouais, c'est beaucoup d'action. Par où partir dans les body surf qui sont abondants. Je savais pas. Au début du spectacle, évidemment, je me disais, je vais en faire moi avec, tester la foule, hein, et aussi par plaisir. Mais juste avant, je sais pas, j'avais décidé d'explorer la foule justement pour pas juste critiquer la foule en avant puis voir ce qui se passe plus loin. Et oh! Je croise des comparses de foule qui ont l'idée bien avant moi que j'allais body surfer parce qu'ils m'ont agrippé puis ils ont dit attention Jolene, c'est parti. Fait que j'ai commencé mon body surf complètement en arrière de la foule. Il y a des gens qui se sont rendus quand même assez loin aussi ou qui ont utilisé la même technique de commencer en arrière puis se rendre jusqu'en avant, mais c'était pas le moyen le plus commun. Le stage dive était assez populaire, les body surf aussi, mais je crois que moi je suis pas à dire que le stage dive était peut-être la technique la plus populaire. Ce qui faisait en sorte de partir d'aussi loin, c'est d'être vu par personne. Ah, ça, c'est quand même laborieux. C'est quand même assez laborieux. J'étais tout le temps en train de canter. Tu sais, je veux dire, je suis dos au monde, je vois rien, puis j'ai la tête qui penche par en bas. C'est pas la position où tu te sens le plus rassuré durant ton body surf, mettons. Parce que quand tu vois relativement ton chemin, où c'est que tu t'en vas, c'est un peu plus facile. Fait que je m'aventure en faisant complètement confiance à la foule. J'ai l'impression qu'il y avait... Peut-être que c'est justement des gens que je connaissais. Pour de vrai, j'ai aucune idée. T'sais, quand on body surf, on n'a pas tant de sensation de ce qui se passe en dessous de nous, même si c'est ça qui nous tient debout, mais qui nous tient debout sur la foule. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des personnes, au moins deux, qui tenaient avec un peu plus de constance, sans que ce soit un body surf hollywoodien. Là, comme je traversais quand même assez facilement la foule de gens à l'autre, mais qui avait quand même un certain soutien constant. Et je remercie, parce que sinon, j'avoue que de la façon que j'étais cantée, ça aurait été longtemps, là. Fait que c'est dans des jours quand même tranquille. Étonnamment, tu vas me dire, parce que ça te chauffe puis ça t'énerve. Ouais, mais dans le fond, vu que c'était calme, disons que le chemin était lent, mais sûrement, juste attendre. Tout le temps plein de raz-de-marée. Hein. Mosh pit, trash, c'est toujours très aqueux dans mes descriptions. Mais oui, après ça, on arrive, puis là, la vague, on est toujours sur le bord de tomber. Mais je finis par arriver en avant de la scène, et c'est pas pour rien que j'utilise autant de comparaisons d'eau. Parce que... Ah! Quel naufrage! J'avais le sentiment d'être une épave. Parce que sur le bord de la scène, déjà, les moniteurs étaient plus loin. Tu sais, ils étaient vraiment en avant-scène, les musiciens. Mais il y avait, un judicieux espace pour toutes les canettes vides qui traînaient là. Ah ouais, là, vraiment aussi, ça, c'était aussi des cadavres d'épaves, de canettes de bière. Fait que t'arrives là, puis je me sens, là, c'est comme... Je me sentais vraiment dégueulasse pour la simple et bonne raison que je me suis assis les fesses dans une grosse flaque de bière entourée de canettes vides, puis j'étais comme miam miam. Fuck! Devant toutes ces canettes, je sais pas ce qui m'a pris, mais mon premier réflexe aurait été de vouloir faire le ménage. Fuck! Pour tous ceux qui ont déjà liké la page Facebook de Critique de Crowd, vous pouvez voir ce merveilleux moment où j'ai été filmée et je suis en train de lancer des canettes dans la foule, parce que c'était vraiment une récurrence durant le spectacle. Les gens, quand ils terminent leur bière, ben ils la lancent. Ou des fois, elle est pleine et ils la lancent. Fait que ça faisait beaucoup de... logique dans les circonstances, et je crois pas que ça me serait venu naturellement si j'avais pas filé l'ambiance, parce que ça revolait la bière. Fait que c'est ça, je me suis permis un petit ménage, comme ça nous faisait de l'espace pour les stage divers, pourquoi pas, et je me suis réélancé pour un autre body surf plus acrobatique quand même, là. Section en avant, étant donné que ça bardasse, c'est sûr que le soutien n'est pas exactement le même, mais non, il fonctionnait assez bien. Je vous félicite, première rangée. Et première rangée au pluriel, parce que si t'as décidé en tant que spectateur de rester là tout le long, je veux dire, il y a plein de shows hardcore metal que je me dis, oh mon Dieu, ils doivent être fatigués à la fin de tout le temps recevoir les coups, puis vouloir rester en avant parce qu'ils veulent regarder le groupe, recevoir le monde sur la tête. Fait que ouais, bonne endurance, je vous félicite. Ou vraiment, vous avez un amour assez puissant pour le groupe pour pouvoir garder exactement cette place-là. Mm-hmm. Et quand je dis qu'il y avait vraiment beaucoup de body surf, je crois que oui, j'ai dit que certaines, appelons ça généralité, le fait que ça s'empilait, qu'il y en avait un par-dessus l'autre, que... j'ai l'impression que je peux quand même faire quelques distinctions de portraits de body surfers de ce soir-là, qui sont au final tous les types de body surfers qu'on pourrait croiser dans une soirée, mais que là, ils sont comme concentrés. Parce que je dis ça parce que par rapport à certaines tendances, je sais pas, hardcore, je trouve qu'il y a bien des petits furtifs qui décident de se lancer comme pendant que personne les regarde, ce qui est dangereux, et il faut assumer les conséquences. Quand personne nous retarde, t'es comme « Ouais, mais t'sais, fais-toi voir, garçon. » Fait que je trouvais que ça, il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. On était peut-être plus... c'est quand même assez varié. T'sais, il y a des gens qui vont vraiment prendre le temps d'être vus. Ils sont « Ah! » Il y en a deux types, ça. Il y a le show-off, celui qui se prend pour une rockstar puis qui profite de son moment. L'autre, c'est le sécuritaire. Tu sais, celui qui va être bien vu parce que il veut pas tomber. Mais tu sais, c'est comme... C'est vrai, t'as tout à fait raison. La seule affaire, c'est que quand t'éternises, les gens stannent et ensuite, les gens bougent. Fait que ton spot que tu croyais sécuritaire ne peut plus le devenir du tout. Fait que c'est quand même à considérer le niveau de temps que tu mets à être sur scène. Mais je trouve ça intéressant qu'il y a quand même deux intentions tout à fait différentes. Et dans ces lancers, sécuritaires, il y en a qui se lancent tel Jésus sur la croix, qui se jettent de dos tranquillement, mais les bras vraiment écartés. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus en angle, fait qu'il faut l'étoile. Il y en a d'autres quand même. Ça, je trouve ça drôle, parce que c'est pas sécuritaire, puis en même temps, ça l'est, mais qui plonge comme s'il plongeait dans une piscine pas creusée. Tu sais, on le sait tous, faut pas plonger dans une piscine pas creusée, là, je veux dire, avec le fond pas profond, là. Faut pas, c'est dangereux. Mais, en donnant comme un petit swing de dauphin, là, ah, ben oui, c'est efficace. C'est sûr que tu plonges tête première, ce qui peut être dangereux, mais quoi, je pense, je le répéterai, j'ai l'impression de le répéter 1000 fois, va le répéter une millénième fois, là, mais oui, c'est un sport tout à fait plaisant, le stage dive, mais là, c'est quand même un minimum dangereux, fait que on peut pas garantir un body surf complètement sécuritaire en soi. Alors, voilà pour ces types de stage diver bien intéressants. Sur ce, j'ai décidé de faire un petit bloc de groupes ou d'artistes qui, tout comme Québec Redneck Bluegrass Project, ben, je sais pas à quel point, quand on écoute la musique, on s'y attend que ça bardasse autant en spectacle, qu'il y ait du mosh pit, du moins. J'essaie de voir encore. Des fois, j'ai l'impression que c'est le fait que les artistes qui font la musique ont leur propre age, où on sait dans quel autre band ils étaient avant, quel type de musique ils aiment, ou le type de spectateur qu'ils amènent. Mais quand t'amènes autant de, je sais pas, de cross-punk, de hippie-punk, comme qu'est-ce qui s'explique quand musicalement, ouais, je veux dire, amateur de folk sale, mais je sais pas, il y a encore une section de mon cerveau qui est encore à l'analyse. J'aimerais bien avoir ta réflexion sur le sujet, crowd, vraiment, vraiment beaucoup, parce que, ouais, je me dis, quand on écoute Horloge Chimard, à quel point on va se dire, ih, ça brasse. Effectivement, avec leur sujet, comme Québec Redneck, on peut porter à une certaine débauche. Ça parle de bière, et ça parle de sexe, et ça parle de drogue. Et Bernard Adamus aussi, je veux dire, mais en même temps, dans ses chansons tranquilles, le monde reste tranquille. Mais ouais, cette espèce de rapport, ouais, quand même intéressant, entre la musique, ce qu'amène la musique, et l'ambiance, qui est presque devenue, mon Dieu, un absolu, tu sais, on le sait que ça va brasser. Enfin, on continue à réfléchir en écoutant Horloge Chimard, Hymne à la bière, et Bernard Adamus avec la chanson Arrange-toi avec ça. La bière tout l'hiver, la bière sur le fauteuil, la bière dans le frigidaire, de la bière sur ma table, de la bière dans sa caisse. Arrêtez, j'suis pas capable, pas pour rien que j'engraisse. La bière dans mes cheveux le lendemain matin, la bière dans mes yeux, j'vois quasiment plus rien. Du houblon dans ma vie au gré des jours de pluie, plus de bière quand tu sens un alambic mouvant. Ah, ah, ah, ah, ah. Ben sous, pis sans dessus-dessous. La bière, ça rend jaloux, la bière, ça rend fou. Ça peut te rendre débile comme ça peut te rendre tranquille. La bière, ça rend sous, la bière, ça rend mou. Ça peut te rendre achalant comme ça peut te rendre plaisant. La bière, c'est pratique si tu te trouves pas beau. Ceux-là qui sont sceptiques, mettez-vous donc toute chaude. La bière, c'est le fun quand t'es au volant. Tu pognes le clos, tu meurs au bout de ton sang. Ah, ah! De plus de 18 ans. Have you? Bernard Adamus sur les ondes de CISM. J'ai failli mettre Oh là les lolos parce que il y a une référence au chanteur de Québec Bluegrass. Je me suis dit, oh mon Dieu, quel ado ce serait. Mais non, je ne suis pas toujours tout en thématique dans mes choix de chansons. J'ai tout simplement voulu vous faire entendre Arrange-toi avec ça parce que je l'aime, cette chanson qui se retrouve sur l'album numéro 2 d'album de Bernard Adamus. Et vous avez entendu avant Horloge Simard de son album Aucun cadre, hymne à la bière, parce que celle-là, par exemple, elle est assez de circonstances avec Québec Redneck. Ah oui! J'allais dire, la bière, est elle coule à flot, mais elle coule à flot, comme vous aurez bien compris dans la critique, elle coule à flot sur scène, mais littéralement sur scène. Oui, hey, les pieds devaient être tout trempés. Ah là là, mais c'est drôle à quel point on lançait, je veux dire, ça n'a pas fait comme une marée non plus, comme de bière stagnante, de marécage. Non, non, non, ça s'absorbait de nos vêtements tout mouillés. Ah ouais, ça, par exemple, tu recevais d'un peu partout, ça se lançait. La bière, ça lançait là, d'un balcon à l'autre. Je me suis aventurée dans le merveilleux monde des gens assis au balcon, mais je vous dis, je vous dirais que même là-bas, c'était pas tranquille. Il y en avait là, vraiment qui chantaient avec hargne, les bras en l'air, vraiment intense. Il y en a d'autres aussi que, je sais pas si c'était devenu un concours, mais qui se lançaient des bouteilles. Il y en avait une, était pleine. Ah, c'est pas pour rien que dans les festivals, ils vous demandent d'ouvrir les bouteilles. Bon, ouais, pour vérifier... que t'as rien mis dedans, là, ça c'est à la sécurité. Mais aussi quand ils te le vendent, ils ouvrent le bouchon pour pas que tu le lances bouché, parce que c'est plus lourd puis c'est plus dangereux. Comme ta canette, ils vont dire, mais non, faut que je la débouche. C'est pour ça. Ben oui. Parce que des fois, on se dit, ils pourraient le lancer puis ça pourrait servir comme d'arme. Puis on se dit, quand est-ce que ça arrive? Ben, ça arrive à des spectacles très, très, très, très, très festifs. Mais non, ça sera... je pense pas qu'ils veulent s'en servir de façon si méchante, mais les lancers étaient assez forts, là. Il y a vraiment une bouteille qui s'est rendue de l'autre côté, tu sais, de l'autre côté du balcon. Vraiment! Fait que c'est sûr que là, si tu visais quelqu'un, ça pourrait être dangereux. Et je crois que... J'avoue que moi, j'ai pas regardé. Fait que je peux pas confirmer l'action, mais c'est ce que le gardien de sécurité pensait et... Eh boy, il a essayé... je ris parce que ça marchait tellement pas, Seigneur. Il essayait de mettre le gars dehors. Il a dit, je t'ai vu faire, t'as lancé une canette. C'est comme, mais tout le monde lance des canettes. Fait que c'est un peu dur, tu sais, comme affirmation. T'es comme, oui, mais... Fait qu'il essayait de mettre le gars dehors, mais il s'en foutait. Et je... Je sais pas, en tant que sécurité, tu sais, c'est... Comment tu gères ce type d'événement-là? Jusque où ça dérape trop? Justement, quand c'est mal intentionné, là, est-ce que les gens étaient mal intentionnés? Des fois, ils pouvaient devenir juste trop chaotiques, trop brouillons, trop n'importe quoi. Mais de là à dire mal intentionné, ben, je n'ai pas... Moi, personnellement, je les ai pas vus de mes yeux à moi, vus. Fait que je pourrais jamais dire, à part le pit, avant le spectacle, ça, j'avoue que c'est quand même un peu... un peu limite, un peu... c'était quoi ta véritable intention? Mais autrement, pauvre gardien. Ah là, il était décidé, là, il était comme, je vais le mettre dehors, là. Tu le voyais, il testait. Il poquait l'épaule pour y jaser, puis le gars, il le regardait même pas. Tu sais, quand la sécurité a plus de crédibilité, je suis comme... mon Dieu, j'aimerais juste pas être à votre place, là, honnêtement. Tu sais, c'est quoi la bonne réponse? D'essayer de tempérer... Non, tu sais, essayer de tempérer qui, là? Tout le monde est chaotique, sauf madame. J'oublie de mentionner, parce que c'est tellement... Ça prend tellement de place, oui, par l'exubérance, mais il y a pas juste des fêteurs à un show de Québec Redneck. Il y a aussi, oui, oh, des madames. Et des gens bien habillés, tu sais, coquets, là, qui voulaient passer une bonne soirée, puis qui en ont passé une bonne, mais peut-être que certains ont été surpris par le restant de la foule. Mais au balcon, juste à côté de moi, il y avait, oui, une madame, c'était la première fois qu'elle allait les voir en spectacle, et elle se disait très heureuse de sa place au balcon, et elle aurait eu peut-être un petit peu de misère, ouais, à être au parterre. Elle confessait même que c'était la première fois qu'elle voyait un mosh pit. Fac, quand tu sais même pas c'est quoi, à base, ça peut être un peu épeurant. Quand c'est gros de même, ça peut être épeurant, impressionnant, plus qu'épeurant qu'impressionnant. Fait que... Mais je trouve ça intéressant et très important aussi de le mentionner que c'est pas une foule homogène non plus. Fait qu'il y a une variété aussi dans les actions. Et ouais, être assis tranquille, ça passe un peu dans le beurre, c'est assez certain. Sinon, dans la foule, il va y avoir... il va y avoir, oui, sur scène, un orignal en peluche, là, un mascotte. Mais il va y avoir aussi une licorne. Et celle-là, elle va vraiment être dans la foule parce qu'avec son tutu, elle vient danser. Et ensuite, s'élance dans la foule. Elle se promène très courtement parce que plus la soirée avance, peut-être que plus les body surfs sont difficiles. Mais là, la licorne, elle va se repitcher une deuxième fois avec une balloune. Tu sais, une balloune que tu t'entoures là, à la piscine, comme un gros beignet, mais en licorne. Fait que la licorne était sur une licorne. Et, et oui, elle voguait comme ça de petits body surfs parce qu'elle aurait été abandonnée. Encore une fois, la licorne balloune va être plutôt lancée par les gens dans la foule. D'autres vont même s'en servir, vont s'en entourer pour pouvoir body surfer avec. Je l'ai déjà fait une fois et d'expérience, c'est pas, hey, c'est vraiment pas facile. Dites même, c'est con là, mais tu sais, faut que t'essayes de tenir ta grosse balloune. Puis je sais pas vous, moi je l'ai pas retesté parce que ma première expérience était vraiment pas concluante, mais ça a l'air plus fun que ça en a l'air. Alors oui, le spectacle s'est fini de façon assez colorée, de plus en plus. À quel point je le mentionne souvent, tu sais, l'alcool, je veux dire, tous les spectacles, il y a de la bière, mais quand ça déparle puis que les gens sont un peu perdus, à la fin, il y avait un portefeuille sur scène. Fait que là, le chanteur, il a essayé de lire le nom de la personne puis se mélanger avec le nom de la rue. Là, il était comme, ah, tu viendras le chercher. Le gars, il avait l'air de stage-diver, mais non! Ben oui, il est revenu chercher son portefeuille. Je trouve ça assez efficace parce que, ouais, c'est bien de que ce soit le groupe qui te dit d'aller chercher ton portefeuille et de le récupérer avant la fin de la soirée. C'est beau comme moment, c'est beau. Il y avait de la magie, il y avait de l'amour. Le tout s'est fini avec « Je suis plus cool, ça brosse » en Yodel. Ça, c'est aussi avant de terminer avec, oh mon Dieu, la violoncelliste qui faisait des solos en arrière de sa tête. Je te dis, ça passait dans le bar, mais pas à peu près. Ça m'a rappelé à quel point aussi c'est une foule pour qui l'ambiance et le fait de vivre en quelque sorte un exutoire, tu sais, de vivre intensément le spectacle est peut-être plus, et pas plus important que le spectacle, mais que les quel mouvement périlleux il a fait avec son instrument, ça c'est, tu vois, tu sais, il y a des shows métal que les gens ils font juste ça, regarder les musiciens intensément en se disant comme, oh mon Dieu, il a fait tel move comme ça, puis fait que, non, on n'est pas tant dans la technique. Enfin, si tu l'es, t'étais peut-être assis dans le fond bien tranquille, mais ça sent un petit peu moins comme ça. Alors, mais reste que, ouais, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment juste une question d'intention de foule. Tu sais, ils peuvent en faire des prouesses, la preuve, ils l'ont fait, puis ils ont body surfé en jouant de la musique, mais que c'était même pas les moments les plus culminants du spectacle, c'est tout simplement pour dire. Sur ce, on s'en va écouter de la musique, pas n'importe laquelle, c'est le Québec Redneck Bluegrass Project sur les ondes de CISM. Qu'il y a, monsieur, j'ai passé au travers, oh ben qu'il y a, monsieur, j'ai passé un autre hiver, oh ben qu'il y a, monsieur, pour 33 ans, pis toutes mes dents, j'ai passé l'âge de Jesus, pis j'suis encore dedans, oh ben qu'il y a, monsieur, j'serais dû, j'ai survécu, ouais, bonne, j'ai de faronne, j'te passe sans foi de moi, m'a peut-être fait voir un autre été, j'suis encore en plus, j'suis encore dedans, m'a peut-être fait voir un autre printemps. I'm getting a bit too old now. The K-holes are getting a bit too rock and roll. I'm getting a bit too rock and roll. I should stop sniffing gay in the discos. I should stop sniffing gay by my own. La dernière fois, vous m'avez fait me créer dans Total Record. J'en pointais ben long. Me suis fait grisser dehors. J'étais ben parti chenou, mais j'avais trop le genou mou. J'étais ben trop beau, l'eau. Tu marchais comme un robot. Ah ben, quel yop, monsieur, j'serais dû, j'ai survécu. Hey, bonne, j'ai ton faronne. Gotta stop bottling me in the head, babe. You gotta stop bottling me in the head. You gotta stop bottling me in the head, babe. You gotta stop bottling me in the head. C'est une tradition sicilienne, péter des bières d'en face de main. Brix une rousse à vos tisanes, c'est pas le top pour la boîte cronienne. Que calme, faut que parle, pour courir. I'm bottling you, you prick, cause you kiss and all the chicks. Faut que parce que je laisse avec ben qu'un ben cri des lettres avec son vagin. Et maintenant connais-tu ben ben la liste c'est un pensée si bien en tant que Liam me sécherait du et survécu. Hey bonne, j'ai ton faron. Bonnie se pousse par un doux dans Saskatchewan. À l'autre bout dans le fond du Rhin, séquestré dans sa farm. On s'aurait cru dans des livrances. Comment? Oui, la Québec, j'ai rose, me faire violer. Me suis sauvé avant que ça commence. On s'aurait cru dans des livrances. Me suis sauvé avant que ça commence. Marcher un jour, une nuit d'un rang avant de me ramasser. Ça se fait marcher un autre avant midi. Avant de pogner un lit, fait qu'un cadavre. J'suis encore plus saut du trou de cul. Et j'en suis reconnaissant contenu. Que le doute est pédé comme un fun. Quand plus ma sang, mais le pitch note. Que l'yam, que l'yam, que l'yam me soucerait du et survécu. Aïe, bonne, j'suis ton pharaon. Oh ben que l'homme me suce, j'ai passé au travers. Oh ben que l'homme me suce, j'ai passé l'autre hiver. Oh ben que l'homme me suce, 33 ans pis toutes mes dents. J'ai passé l'âge de Jesus, si j'étais encore dedans. Oh ben que l'homme, que l'homme, que l'homme me suce. J'aurais dû les survécu, ben bonne, j'ai ta faronne. Je passe comme quoi de moi, m'a peut-être bien voir un autre été. J'suis encore en feu, j'suis encore dedans, m'a peut-être bien voir un autre printemps. Monsieur sur les ondes de CISM. Voilà la fin de Critique de Crowd pour cette semaine. Et je voulais finir en musique avec Banal et la chanson Candide, tout simplement parce que dans l'autobus, en revenant, on voyait tous ceux tous ceux qui étaient allés au spectacle et qui étaient un peu boiteux et on se disait que même des shows métal brassaient des fois pas autant. Alors pour cette raison, on va écouter de la musique qui bardasse sur les ondes de CISM. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. International de jazz de Montréal vous invite à célébrer l'été pour sa 39e édition. Du 28 juin au 7 juillet, des spectacles gratuits tous les soirs. Voyez le grand événement TD avec la révélation canadienne du R&B, Jessie Reyes. Venez danser sur les rythmes de l'auteur-compositrice-interprète d'exception, Stéphane Moraille. Pierre Quenders nous offre son son unique pour une soirée inoubliable et la soirée de clôture Rio Tinto avec le groupe The War on Drugs. Info au montrealjazzfest.com, présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Réponse. Ce genre qui a révolutionné la musique électronique à ses débuts en 1995. Qu'est-ce que le drum and bass? À chaque semaine, Apopexia te fait découvrir les nouveautés et revisiter les classiques du genre à Neurotransmission. Chaque vendredi à 1h du matin sur les ondes de la marge. CISM 89.3 FM. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute Les Criques à crinquer, les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM. Jazzy Jazz. Martin Destin. Destin. Tous les dimanches de 11h à midi. 89.3 CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Viens avec moi, donne-moi la main. Viens avec moi, donne-moi la main. Je sais qu'on ne vit qu'une fois et que demain c'est loin. On a commencé d'en bas, parti de rien. Quand j'étais enfant dans le quartier.